Francisco Douiman. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. Les paramètres de devises et carburant sont les deux leviers sur lesquels le gouvernement devrait s'appuyer pour redresser le taux d'inflation qui en est aujourd'hui à 38% selon le récent rapport de la Banque de la République du Burundi. Vous entendrez les explications de l'économiste Faustin Ndikumana, directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Trois personnes ont été déjà emportées par les eaux de la rivière Murago, dont le lit a été dévié en marge des travaux de réhabilitation du pont reliant les collines de Nyawunyegeri et Rubirizi. C'est en commune Mutimbuzi. Les faits ont eu lieu durant la période de suspension de ces travaux. Des chiens menacent la vie des déplacés réinstallés sur le site 3 à Mutambara de la zone Gatete en commune et province Rumonge. En effet, ces chiens tuent leur petit bétail, comme ils l'ont dit à notre reporter. Et dans la chronique environnement, un chercheur dans ce domaine nous expliquera comment les constructions dans des zones non aménagées réduisent la surface d'infiltration de l'eau, entraînant des inondations. Rendez-vous à la fin de ce journal dans les éclairages du professeur Rémi-Marie Nkurunziza. Voilà pour le sommaire. La radio de l'avenir. L'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités suggère au gouvernement de résoudre les problèmes de manque de carburant et de devises qui influent sur la flambée des prix des produits de première nécessité. Son directeur national, Faustin Ndikumana, qui le dit, part du taux d'inflation de 38% récemment annoncé par la Banque centrale et des lamentations de la population qui déplore que le pouvoir d'achat se détériore sans cesse. Il signale que l'inflation entraîne en outre la régression de la demande globale et fait reculer l'économie nationale. Écoutez ses explications. Le niveau d'inflation actuel est en train d'impacter fortement le pouvoir d'achat de la population ici au Burundi. Parce que selon les récents rapports de la Banque centrale au mois de décembre, le rapport sur la politique monétaire qui vient de sortir, on montre une inflation de 38%. L'inflation de 38% est une inflation très énorme. Parce que dans plusieurs pays, même le dépassement de 10% du taux d'inflation est déjà alarmant. Quand on est à 38%, ça dépasse déjà l'entendement. Et là où le bas blesse, c'est que cette inflation est causée par ce qu'on appelle les produits de première nécessité, les biens et services vitaux au niveau de la consommation des ménages. Ce sont les produits alimentaires, la nourriture, les boissons, déplacements, location des maisons, les médicaments, l'énergie. Donc, il n'y a pas de marge de manœuvre. Ces produits vitaux ont vu les produits exploser. Cela alors cause une paupérisation généralisée au sein de la population. Le taux de pauvreté risque d'augmenter, alors qu'il était déjà élevé. La classe moyenne tend à disparaître. Et ceux qui subissent les conséquences énormes, ce sont les revenus fixes qui sont frappés de plein fouet. Sinon, ceux qui font des activités lucratives, comme notre économie est en grande majorité informée, on entretient l'économie de spéculation. Ça veut dire que chacun essaiera d'indexer une marge bénéficiaire sur les activités qu'il fait pour, soi-disant, récupérer ce qu'il a perdu au niveau du pouvoir d'achat. Un autre élément très important, c'est la demande globale qui diminue parce qu'une grande partie des produits non essentiels se retrouvent sans demande. Les produits vestimentaires, les matériaux de construction. Mais là aussi, c'est une demande globale qui diminue. Quand la demande globale diminue, ce sont les activités économiques qui ralentissent. D'où alors, quelque part, il faut prendre des mesures pour rectifier le tir, des mesures de redressement, jouer sur les deux paramètres de devise et de carburant. C'était Faustin Ndikumana, directeur national de l'organisation PARSEM. Et le Conseil des ministres réuni ce mercredi a adopté le projet de loi portant sur le budget de l'État, exercice 2025-2026. Jérôme Nyonzima, secrétaire général du gouvernement, a indiqué cependant que ce projet a été élaboré dans un contexte marqué par un ralentissement de l'économie mondiale et des conflits politiques persistants qui impactent négativement l'économie nationale. Selon lui, ce projet de loi va contribuer à la relance de l'économie burundaise et de poursuivre la mise en œuvre des réformes en matière de gestion des finances publiques. Suivez Jérôme Niyonzima. Le présent projet de budget pour l'exercice 2025-2026 est élaboré dans un contexte marqué par le ralentissement de l'économie mondiale, le durcissement des conditions financières qui pèsent sur l'investissement et la dette, ainsi que la persistance des conflits géopolitiques dont les conséquences continuent à affecter fortement l'économie nationale dans son ensemble. Le projet de budget pour l'exercice 2025-2026 est ainsi préparé dans une logique de contribuer significativement à la relance de l'économie burundaise et de poursuivre la mise en œuvre des réformes en matière de gestion des finances publiques visant la budgétisation axée sur la performance introduite par la loi relative à la finance publique. Le projet de budget pour l'exercice 2025-2026 consolide les acquis de la réforme du budget programme en cours d'implémentation. Il est préparé sur base du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel et qui s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation du plan national de développement révisé, aligné lui-même à la vision Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060. Jérôme Niyonzima, secrétaire général du gouvernement, qui ajoute que ce projet de loi portant budget de l'État exercice 2025-2026 va permettre une croissance économique atteignant 4,6% grâce à la réalisation de certains projets tels que l'intensification des produits d'exportation, alors que pour l'exercice en cours, cette croissance est estimée à 3,9%. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Les victimes des inondations des eaux du lac Tanganyika installées sur le site 3 se trouvant sur la colline Mutambara de la zone Gatete en commune Provence et Rumonge se plaignent des chiens qui tuent leur bétail, notamment des poules et des lapins. Le chef de la colline Mutambara fait savoir qu'il a déjà soumis cette doléance à l'autorité hiérarchique après avoir échoué à convaincre le propriétaire de ses chiens de les tuer. Et le gouverneur de la province Rumonge dit n'en être pas au courant. Jean-Marie Vianney Ndakumana. Ces victimes des inondations de la montée des eaux du lac Tanganyika qui ont été délocalisées vers le site 3 se trouvent dans la colline Mutambara déplorent que les activités d'élevage sont paralysées par l'échec qui font irruption dans ce site pour tuer le bétail. Ces chiens ont déjà tué beaucoup de poules et lapins qui ont été distribués dans ce site par les bienfaiteurs. Ces chiens pénètrent dans nos maisons et attrapent automatiquement nos bétail pour les manger. Très récemment, nous avons attrapé un chien qui avait tué un lapin. Nous l'avons acheminé au propriétaire pour lui montrer comment nous sommes menacés, mais il n'a rien fait. Nous avons soumis cette doléance aux autorités, mais jusqu'à présent, la situation persiste. Ces victimes ajoutent que très récemment, ces chiens ont failli tuer des enfants qui circulaient autour de ce site, mais heureusement, ils ont été secourus par les agents de la sécurité. Ces derniers demandent aux autorités administratives de trouver solution à ce problème. Concernant ces chiens, nous demandons à l'administration d'approcher l'éleveur de ces chiens pour qu'il puisse les attacher afin de faciliter nos activités d'élevage de petits bétails, comme c'est le souhait du président de la République, qui sensibilise la population d'élever les poules et les lapins. À cela, le chef de la colline Mutambara fait savoir qu'il est au courant de cette situation tout en précisant qu'il a déjà approché plusieurs fois l'éleveur de sèche pour lui demander de les tuer mais sans succès. Après ce constat, le Huzo Julius Juma a décidé de soumettre cette doléance aux autorités hiérarchiques. Les habitants de ce troisième site et ceux de la sous-colline Lukororombo ont déjà adressé ce rapport à moi en tant que chef de colline Mutambara. J'ai approché plusieurs fois cet éleveur de ce chien qui s'appelle commissaire Muchaka, propriétaire d'un hôtel se trouvant près de ce site. Il m'a promis qu'il allait tuer ses chiens, mais il n'a pas honoré ses promesses. Après ce constat, j'ai décidé de soumettre ce problème aux autorités hiérarchiques. Léopold Niyosaba, gouverneur de la province Rumonge, souligne qu'il n'a jamais reçu ce rapport d'échec qui menace les victimes des inondations de la montée des eaux du lac Tanganyika, délocalisées dans le site 3, se trouvant dans la zone Gatete, commune province Rumonge. Le président de la Commission nationale, le président de la Commission électorale nationale indépendante a rappelé ce vendredi que le mandataire doit avoir une procuration comme c'est stipulé dans le code électoral. C'était dans une rencontre avec les candidats aux élections. Selon Prosper Nargouamié, le mandat, le mandant et le mandataire doivent figurer sur la même liste d'émargement. Il évoque qu'il n'y aura pas de formation des mandataires politiques comme récemment demandé par les présidents des partis, faute de moyens. Jean-Claude Niomoukidza. Dans une rencontre ce vendredi entre la Commission électorale nationale indépendante et les candidats aux élections, une des questions qui a été posée est celle des procurations. Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA, veut savoir combien de procurations valables pour un bureau de vote. Procuration, si nous avons dit que nous avons dit que je n'ai pas encore eu des éclaircissements à ce point. Même ceux qui nous ont formés dernièrement n'ont pas bien expliqué ce point. On aimerait savoir combien de procurations acceptables par bureau de vote. Je me rappelle qu'au cours des élections de 2020, j'ai vu un chef de colline qui avait un tas de cartes d'électeurs avec leurs procurations. Et ça a rendu la tâche difficile. Donc on aimerait que nos mandataires aient une information claire en ce qui est du nombre de cartes d'électeurs acceptées par bureau de vote. Bafise information yama procuration arekoué par bureau de vote. Selon le président de la CENI, la loi régissant les élections est claire là-dessus. C'est stipulé dans le code électoral, c'est une procuration par personne. Et que ce soit le mandat ou le mandataire, ils doivent être sur une même liste d'émargement. Autre question posée par un indépendant est celui des partis qui n'auront pas de mandataire politique. Pascal Yumbunde veut savoir le sort qui leur est réservé par la CENI. C'est pour mandataire. Pour nous qui sommes incapables d'avoir des mandataires partout, pourrions-nous demander à la CENI de nous représenter? Car nous les indépendants n'avons pas assez de moyens pour ces mandataires. Pourriez-vous être notre aide de ces différents bureaux de vote et assurer le déploiement de ces voix que nous aurons eues? Prosper Nahuguamie tranquillise en disant que la CENI est au service de tous les compétiteurs. Avoir des mandataires des partis politiques, ce n'est pas une obligation, c'est facultatif. Celui qui le peut va le faire. Mais si un candidat en compétition ne parvient pas à avoir des mandataires sur le terrain, la CENI est là. Par après, il s'en est suivi et la remise des kits qui leur seront utiles pendant la campagne électorale. Nous poursuivons la lecture des dispositions de la loi portant réorganisation de l'administration communale du 7 juin 2024. Aujourd'hui, nous évoquons les départements communaux et leur fonctionnement tel que conçu par cette loi dans le but de mieux satisfaire les besoins de la population et promouvoir le développement de la commune. Stella Ndayishimi. Comme le dispose l'article 55 de cette loi organique, tous les services déconcentrés de l'État au niveau de la commune font partie intégrante de l'organisation administrative de la commune. Il dispose en outre que c'est dans le but de mieux satisfaire les besoins de la population et promouvoir le développement que la commune compte différents départements, dont le département de l'administration territoriale et développement communautaire, le département de la planification, du suivi, évaluation et des finances communales, le département de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, ainsi que le département de l'éducation, le département de la santé, le département de l'eau, de l'énergie et des carrières. Il y a également le département de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, le département des pistes, des voies de communication et de télécommunication, le département des infrastructures administratives, socio-culturelles, économiques et touristiques. On y trouve également le département des droits de la personne humaine, de la protection sociale et de l'inclusion genre et le département de l'entrepreneuriat, du commerce et de l'industrie. Cet article précise que chaque département est dirigé par un chef de département nommé par l'administrateur communal après approbation du conseil communal. L'article 57, quant à lui, dispose qu'il est créé une cellule d'audit contrôle interne attachée directement à l'administrateur communal et que les auditeurs et contrôleurs internes sont recrutés par le conseil communal et nommés par le ministre ayant l'administration du territoire dans ses attributions. Stella Ndayishimiye. L'insuffisance des fertilisants et des semences sont certains défis à relever pour promouvoir l'agriculture au Burundi. Propos tenus par des intervenants dans l'agriculture lors d'une conférence publique organisée par l'organisation La Benevolentia. Salvatore Kaboneka, expert en gestion intégrée de la fertilité des sols, souligne que la terre, les semences et l'eau sont les principaux piliers pour le développement de l'agriculture. On fait le point avec Jean Dodieu Irakoze. Au cours de cette conférence publique, il a été précisé que le secteur de l'agriculture contribue à hauteur de 65% à ce qui est de l'alimentation et que le reste est importé. Certains intervenants dans ce domaine ont indiqué qu'en vue de le promouvoir, des efforts devraient être consentis dans les semences. Adrien Sibomana estime que la question de l'insuffisance de fertilisants peut être maîtrisée. Les semences sont nécessaires en premier lieu. En ce qui concerne les fertilisants, on peut les rendre disponibles. Si nos ancêtres reviendraient, ils nous insulteraient en nous voyant importer des fertilisants. Cela étant, d'autres pensent que la seule question qui se pose concerne la gouvernance de ce secteur. Pour Francis Rohero, responsable du parti Fraternité des Patriotes Inéza FPI, la priorité première de l'agriculture est de fournir de l'alimentation. En premier lieu, la production sert à l'alimentation. Deuxièmement, elle est destinée à la transformation. En dernière position, elle est pour la commercialisation. En ce moment, ceux qui pratiquent de l'agriculture pensent à la commercialisation qu'à l'alimentation de la population. Cela est une réalité si on tient compte des investisseurs dans le domaine agricole qui contractent des crédits auprès des banques. Pour Salvatore Kaboneka, expert en gestion intégrée de la fertilité des sols, le Burundi dispose de le nécessaire pour la promotion de son agriculture. Il insiste sur des principaux piliers sur lesquels il faut s'appuyer pour ce faire, notamment les fertilisants, l'eau et les semences, mais aussi miser en premier lieu sur la gouvernance. Les participants à cette conférence publique qui avait été organisée par l'ONG La Benevolentia ont prêté pour l'augmentation du budget alloué au ministère de l'Agriculture. Jean Dodieu, Irakoze. Trois personnes sont déjà mortes emportées par les eaux de la rivière Murago, dont le lit a été dévié en marge des travaux de réhabilitation du pont reliant les collines de Nyawunyegeri et Rubirizi en commune Mutimbuzi. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro rapportent que cette situation a prévalu durant les 4 mois de suspension de ces travaux. Ils demandent à l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction de reprendre ces travaux pour leur protection. Un reportage d'Ariela Chimirimana. Malheureusement, le reportage n'est pas prêt. On passe maintenant à la chronique environnement. Radio Isanganiro, chronique environnement. La gestion des eaux de pluie dans les villes commence par une bonne viabilisation des quartiers. Explication d'un enseignant d'université, chercheur en environnement. Rémi Marie Nkurunziza précise également que plus les gens construisent dans des zones non aménagées, plus ils réduisent la surface d'infiltration de l'eau, ce qui entraîne des inondations. Lydie Gahimbari. La gestion des eaux de pluie commence d'abord par la viabilisation des quartiers, selon Rémi Marie Nkurunziza, professeur à l'Université du Burundi et chercheur en environnement. Premièrement, il faut bien canaliser, il faut qu'il y ait viabilisation de nos quartiers. Construire des caniveaux pour une bonne gestion des eaux. Selon lui, plus on construit des maisons dans des quartiers non viabilisés, plus on diminue la surface d'infiltration des eaux de pluie, ce qui cause des inondations. Plus on construit, et plus on diminue la surface d'infiltration de l'eau, plus on accélère l'érosion, Ce qui fait que s'il n'y a pas de caniveau pour bien canaliser l'eau de pluie, sûrement que l'eau va se chercher lui-même un chemin pour se verser dans les vallées, dans les ravets. Et comme ça, il y a des pertes, et surtout au niveau de l'érosion, va emporter une grande quantité de sédiments, de nutriments. Rémi Marie Mounouziza, professeur à l'Université du Burundi et chercheur en environnement, indique qu'il existe des bassins qui sont chargés d'évacuer les eaux des pluies afin de diminuer l'érosion. Et pour lui, ça implique la population en soi, l'administration et des experts pour bien gérer ces eaux des pluies. Il y a moyen de construire dans le banfo, il y a moyen de construire des bassins de régulation, ce qu'on appelle des bassins de régulation, juste pour diminuer la vitesse et la force de l'eau. Un individu seul ne peut pas gérer correctement donc les eaux des pluies. C'est un travail qui est collectif, qui implique non seulement la population, mais aussi l'administration locale, mais aussi de hautes instances qui peuvent facilement envoyer des experts pour donner une certaine orientation quant à la gestion des zones de pluie. Dans la prochaine chronique, Rémi Marie Mounouziza, professeur à l'Université du Burundi et chercheur en environnement, nous expliquera des conséquences qui surgissent lorsque les zones de pluie ne sont pas bien gérées. Le rendez-vous est pris. Merci Gahim Baré, Lydie. Merci au professeur Rémi Marie Nkurunziza pour ses éclairages. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.